Mao, laisse-les sauver. Tacle, il y en a direct. Yeah. On va le faire un tour chez les imbéciles. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles qui ne changeront jamais. Ouais. L'économie sous perfusion, c'est la mondialisation de l'économie à sens unique avec la pensée unique qui mettra pensée. Hey! Afrique, réveille-toi!